بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا قبل الاستمرار أحببت أن أصحح شيئا في متعلقا بالدروس السابقة. Avant de continuer, je voudrais juste corriger un point lié au cours précédent. Lorsque j'avais donné la définition du mukhadram, d'où l'importance de réécouter les cours à chaque fois, lorsque j'avais donné la définition du mukhadram, en fait, al-mukhadram huwa man 'asha fil jahiliyyati wal islam. Al-mukhadram, c'est celui qui a vécu durant la période anti-islamique et la période musulmane. وأسلم ولم يحصل على فضيلة الصحبة. Il s'est converti et n'a pas atteint le degré, n'a pas atteint les mérites de الصحبة, le fait d'être compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que musulman. Pour être plus précis que ce qui a été cité durant les cours. Et aujourd'hui, donc, le dernier sous-chapitre. Et donc, le sous-chapitre concernant ce qui a été rapporté lié au boycott. Et il m'a rapporté selon Malik. On avait dit c'est qui parle là quand il dit ça. Il m'a rapporté selon Malik. Hein? Qui? On avait donné un nom. Ubaydullah ibn Yahya al-Layfi. Et donc Ubaydullah, il m'a rapporté. Ubaydullah, il dit que son père, qui est Yahya ibn Yahya al-Layfi, il m'a rapporté selon Malik. An ibn Shihab, an Ata ibn Yazid al-Layfi. Selon ibn Shihab, selon Ata ibn Yazid al-Layfi. An Abi Ayyub al-Ansari, selon Abi Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu. An Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam akol. لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Et donc, selon Abi Ayyub al-Ansari radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas permis aux musulmans de boycotter son frère plus de 3 nuits. C'est ce qui est voulu par là, donc plus de 3 jours. Ils se rencontrent, et celui-ci se détourne, et celui-ci et l'autre se détourne. Et le meilleur d'entre eux est celui qui commence avec le salam. Le meilleur d'entre eux est celui qui commence avec le salam. هذا الحديث متفق عليه. Ce hadith, il est متفق عليه, c'est-à-dire que quand on dit متفق عليه, non, صحيح, authentique. متفق عليه, c'est plus que ça encore. Unanime. On peut comprendre que c'est unanime, oui, c'est unanime, mais pourquoi est-ce que c'est unanime? Pourquoi est-ce que tous les savants sont unanimes sur l'authenticité de ce hadith? Parce qu'il est rapporté dans Sahihay. Dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Dès que tu vois qu'il y a un hadith rapporté dans al-Bukhari et Muslim, c'est le plus haut degré d'authenticité des hadiths. C'est le plus haut degré d'authenticité des hadiths. Le hadith, il est rapporté dans les 2 recueils. Al-Bukhari et Muslim, unanimité des savants sur l'authenticité du hadith. « وهذا الحديث يدل على شمول هذه الشريعة » لجمع شؤون حياة المسلم والمسلمة حتى في نزاعهما مع الآخرين. Ce hadith montre l'aspect général de la législation, le fait que celle-ci englobe tous les points de la vie du musulman et de la musulmane, même les conflits qu'ils ont avec les autres. Contrairement à ce que les gens ils veulent nous faire croire aujourd'hui, l'islam c'est où? C'est quand tu vas à la mosquée. Quand tu vas à la mosquée, là, c'est l'islam. Quand tu sors et que tu es dans la rue, non. Bon, là, tu es en Europe, c'est pas l'islam. Non, l'islam, elle englobe toute ma vie. Toute ma vie, l'islam englobe toute ma vie. Et ce hadith le montre. Il y a beaucoup de hadiths, beaucoup de récits prophétiques, beaucoup de versets qui montrent que l'islam englobe toutes nos situations, toute notre vie. وفي هذا الحديث النهي أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث. Il y a dans ce hadith le fait qu'il est interdit aux musulmans de boycotter son frère au de plus de trois nuits. Comme c'est clair dans le hadith. وفيه أيضا أنه يجوز له أن يهجر أخاه المسلم ثلاثة أيام لأمر وقع منه. Mais on comprend aussi de ce hadith qu'il est permis aux musulmans de boycotter son frère trois jours. Il est permis de le boycotter trois jours à cause de quelque chose qu'il a fait, une injustice ou autre. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il est permis donc de boycotter trois jours ? وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّرِيعَ تُرَاعِي النُّفُوسِ. Car la législation accorde de l'importance aux individus. La législation accorde de l'importance aux individus. فَهَذَا الرَّجُلُ الْمَظْلُومُ قَدِنْ فَعَلَتْ نَفْسُهُ وَلَيْسَتْ قَابِلَةً لِلْإِصْلَاحِ فِي هَذِهِ الْحَالِ. Car cet homme qui est opprimé, sa personne a été touchée. Et dans cette situation, il n'est pas prêt pour une réconciliation. Ton frère, il vient t'insulter ou autre, ça t'a énervé. Tu es dans une situation où on vient te dire, Yahri, al-islah, la réconciliation, c'est bien. Mais c'est difficile. Pourquoi ? Parce que ça vient de se passer. Il vient de t'énerver. Il y a eu un conflit entre vous lié à de l'argent. Lui, il a compris quelque chose. Toi, tu as compris autre chose. Tu viens d'arriver, 1000 euros qui sont partis comme ça, 2000 euros, t'es énervé. On te dit, Yahri, taqillah, Yahri, réunis-toi avec ton frère. C'est ton frère musulman. La législation prend en compte le fait que tu es un être humain, que tu as des sentiments, que parfois ça peut être difficile. Alors, on te donne trois jours. Allez, trois jours. Hatta tahda, jusqu'à ce que tu descends, la température elle descend. Trois jours, t'as marché, je sais pas combien de pas, t'as pris, je sais pas combien de douches. Alhamdulillah, la température elle descend. Au bout des trois jours, on te dit khalas. Même si c'est 20 000 euros que t'as perdu, même si on te dit khalas, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Ah non, mais on t'a pas dit de refaire du commerce avec lui. On t'a pas dit que c'est ton meilleur ami. On t'a dit que c'est ton frère musulman, tu ne peux pas le boycotter. Tu ne peux pas le boycotter. Là, il y a Jews, ce n'est pas permis. Il faut tout faire pour se réconcilier. Wa fil hadith, el hathu ala tarki nizaa wal khusuma. Wa dhalika min qawlihi khayruhum alladhi yabda'u bis salam. Il y a dans ce hadith l'incitation quant au fait de délaisser les conflits. L'incitation quant au fait de délaisser les conflits. Et ça, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre eux est celui qui commence avec le salam. Il y en a, ils ont compris l'opposé. Le meilleur d'entre eux, c'est celui qui fait le plus dur, celui qui montre que non, je te parle pas, etc. Plus je fais mal à l'autre et mieux je suis. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ton frère musulman. Vous devez tout faire pour vous réunir. Parfois, c'est difficile. Mais il faut que tu fasses passer les textes de la législation devant ta propre personne. Devant ta propre personne. Nous en avons besoin pour rentrer au paradis. Tu en as besoin pour rentrer au paradis. On le verra, Inch'Allah ta'ala. أخرج أبو داود عن أبي أمامة. أبو داود يسيد في son recueil سنن selon أبي أمامة que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. Je garantis une maison en bas ou alors au côté, c'est le côté intérieur du paradis, à toute personne, à quiconque délaisse le conflit, alors qu'il a raison. On t'a pas dit alors qu'il y a une ambiguïté, alors que... Non, alors qu'il a raison. C'est toi qui as raison. C'est toi qui as subi l'injustice. Mais tu vois que là, non, ça va aller trop loin. Ça va aller trop loin. Alors tu reviens, tu vas voir le frère. Il y a Chris Mahli. Je suis désolé. Ouais, c'est moi. Je suis désolé. Tu me reproches quoi? Ah ok, Mali. C'est bon. Je suis désolé. Pourquoi? Pour l'union des musulmans. Une maison au paradis. Subhanallah. Combien de maisons on a laissé partir comme ça? Combien on en a laissé partir comme ça? Le moindre conflit parfois avec nos proches, avec nos parents, avec nos sœurs, auzubillah. La moindre cause, allez hop, on ne se parle plus pendant je ne sais pas combien de temps. Il faut qu'on arrive à corriger cette chaleur qu'on a en nous, qu'il faut la corriger, la maintenir, la contenir, pour ne pas tomber dans ce genre d'erreur, dans ce genre de conflit qui font du mal à la communauté musulmane. Et dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مزحا. Et une maison au milieu du paradis pour celui qui délaisse le mensonge, même s'il rigole. Même s'il rigole, c'est pas permis de mentir même quand tu rigoles. Une maison au milieu du paradis. Tu rigole, tu plaisantes, sois véridique. Tu peux plaisanter en islam, oui. Alhamdulillah, on plaisante. Mais ne mens pas quand tu plaisantes. Wabi baytin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquhu. Et une maison en haut du paradis pour celui qui a un bon comportement. Le prophète qui nous dit, je garantis, anazaimun, une maison en haut du paradis pour celui qui a un bon comportement. On médite là-dessus, inshallah ta'ala. Chacun d'entre nous médite sur sa situation. Qu'est-ce qu'on a à corriger pour améliorer notre comportement? Le hadith suivant. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال قال مالك لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيه المسلم فتدبر عنه بوجهك. Et il m'a rapporté selon Malik, selon Mushihab. Tu connais Mushihab? Et Mushihab Zohri. Selon Malik, selon Mushihab. Selon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous détestez pas mutuellement. Ne vous détestez pas mutuellement. Et ne soyez pas jaloux les uns envers les autres. La ta hasadou. Et ne vous détournez pas les uns des autres. Soyez serviteurs d'Allah, des frères. Et il n'est pas permis aux musulmans de boycotter son frère au-dessus de 3 nuits. Ensuite, l'imam Malik, il explique donc « et tadabur ». Donc, c'est le fait donc, que chacun se détourne de l'autre avec son visage. C'est le boycott. Et ce hadith aussi, il est muttafaqun alayh. Ça veut dire hein? Dans les deux recueils. Donc, c'est le hadith, il a été recueilli dans le Bukhari et Muslim. Et donc, les savants sont unanimes sur le fait que ce hadith est authentique. C'est le plus haut degré d'authenticité des hadiths. وفي هذا الحديث النهي عن هجر المسلم أخاه فوق ثلاث كما رأينا في الحديث الماضي أو في الحديث السابق. Et donc il y a dans ce hadith aussi le fait qu'il est interdit aux musulmans de boycotter son frère plus de trois jours, comme on l'a vu dans le hadith précédent. وفيه أيضا النهي عن التباغض أن يبغض بعضنا بعضا. Il y a dans ce hadith l'interdiction de la haine mutuelle, que chacun d'entre nous éprouve de la haine envers son frère. وقال بعض العلماء البغض أمر قلبي قد لا يستطيع المرء أن يملكه. Certains savants, ils ont dit la haine, en réalité, c'est un sujet qui est lié au cœur. Il se peut que tu n'arrives pas à le contrôler. Il se peut que tu n'arrives pas à le contrôler. C'est comme ça, il y a un tel, tu ne l'aimes pas. Tu n'arrives pas à le contrôler. C'est dans ton cœur. Et donc ils disent, Nakul, el bourdou lahu esbeb, fejtanib esbeb el bourda, el barda. Et donc à ce moment-là, ils disent, la haine, c'est un acte du cœur en fait, c'est lié au cœur. Il se peut que tu n'arrives pas à le contrôler. Et donc, ils disent, ce qui est voulu par ce hadith, c'est que la haine, elle est entraînée par certaines causes. La haine, elle ne vient pas comme ça. Elle est liée à des causes. Et donc, délaisse les causes qui vont entraîner la haine. La tabaradou. Délaissez les causes qui vont entraîner la haine mutuelle. Tu sais très bien que ton frère... un tel, tu le connais, tu sais que si tu fais ça, il ne va pas aimer. Pourquoi tu le fais? Tu sais que si tu lui dis ça, tu plaisantes avec lui avec un truc, un sujet qu'il n'aime pas. Tu sais que si tu fais ça, il ne va pas aimer. Pourquoi est-ce que tu le fais? Tu l'appelles comme ça, il ne va pas aimer. Pourquoi est-ce que tu le fais? Ça va entraîner la haine, tout simplement, mutuelle. Et donc, nous devons délaisser les causes de la haine, les causes qui entraînent la haine mutuelle. Wafihi wafil wafin nahyi anel barda el hathu ala al mahabba. Dans l'interdiction de la haine, il y a le fait d'inciter à l'amour. Notre religion, on a souvent du mal concernant ce point-là, les frères. Notre religion est une religion d'amour. C'est une religion d'amour. Souvent, on pense que être un homme, c'est être dur, c'est moi qui gère, mashallah. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te dit, celui qui aime son frère en Allah, alors qu'il lui dise, je t'aime en Allah. Notre religion est une religion d'amour qui nous incite à nous aimer mutuellement. Et qui nous incite à accomplir les causes qui mènent à l'amour. Les causes qui vont augmenter l'amour. Wa fil hadith, an-nahyu 'anil hasad. Il y a dans le hadith l'interdiction de la jalousie. L'interdiction de la jalousie. Et quelle mauvaise maladie! والحسد أن يتمنى المرء زوال النعمة عن الآخر. La jalousie, c'est le fait que tu désires que le bienfait disparaisse d'un autre. Un autre, Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé un bienfait. Tu désires qu'il ne l'ait plus. Tu désires que c'est toi qui es cela. On arrive au cours, on est tous là, on est sur le parking. On a un frère, il est arrivé avec une grosse Porsche, mashallah. Grosse Porsche. Et là, mashallah, on est content pour notre frère. Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé une belle voiture comme ça, mashallah. Juste fais attention à la vitesse sur l'autoroute. Mais il ne faut pas que tu sois jaloux. Pourquoi c'est lui qui a ça et pas moi? pourquoi est-ce que c'est lui qui a ça et pas moi? Allah t'a interdit à cela. Allah t'a interdit ce genre de ressenti, de ce genre de sentiment. Cela est totalement interdit. Et les savants nous disent « Al-hasadu dalilun ala naqsin fil qadar » Le hasad est une preuve qu'il y a un manquement lié au destin. Ben oui, parce que Allah tabaraka wa ta'ala a déterminé, a accordé à cet homme telle chose. Et toi, tu n'es pas d'accord avec ça. Tu arrives, tu dis, je ne suis pas d'accord. Allah, il a accordé à un telle chose, mais je ne suis pas d'accord. Interman, qui es-tu? Qui es-tu? Et donc, il faut qu'on arrive à corriger ce mal qu'on peut ressentir. Wal hasadu kod yusabbibu fitanan kefira. Et la jalousie peut causer beaucoup de troubles. Beaucoup de troubles. Même entre les toulabs parfois, même entre les étudiants. Combien de fois je l'ai dit, un tel, al-rajul darasa fil medina, au fi mecca, au fi misr. Un homme a étudié à Mecca, à Médine ou en Égypte. Il revient ici. Il voit que, ah, moi, j'ai tant de personnes qui assistent chez moi, l'autre qui en a plus. La jalousie, elle rentre dans le cœur. La jalousie, elle rentre dans le cœur. Et c'est là qu'on commence à voir, Yahri, est-ce qu'on peut aller étudier chez un tel? Fille, mes filles, il a des choses sur lui. Ah bon, il a quoi? C'est Yatabe Yenoulakou. Vous allez voir, Inch'Allah, vous allez voir. Combien de fois on a entendu ça? C'est pas nouveau, hein? Attention les frères, c'est pas nouveau. Ça fait des années qu'on entend ce genre de choses. Des années. Il faut faire attention à purifier nos cœurs de la jalousie, de toute cause de jalousie. Quand la barre de l'ulama, elle hasad. Je vous pose une question, les frères. Quel est le premier péché, mais awwalu dhanbin usiya bihi Allah, le premier péché par lequel Allah fut désobéi? L'orgueil. La jalousie. Alors on a deux avis. L'orgueil ou la jalousie? Voilà. Et donc certains savants, ils ont dit que le premier péché par lequel Allah tabaraka wa ta'ala il fut désobéi, c'est l'orgueil. Lorsque Shaitan a refusé de se prosterner pour Eden. D'autres savants, ils disent là, awwalu dhanbin usiya Allah bihi huwa al-hasad alladhi adda ila takabbur. Ils disent le premier péché fut la jalousie de Shaitan envers Eden. Il fut jaloux de lui. Que Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé ce que lui n'avait pas. Et cette jalousie a entraîné l'orgueil. Qui a entraîné? Qui l'a refusé de se prosterner? Et donc, le péché de la jalousie peut entraîner de graves dégâts. Le fait que la personne refuse d'admettre la vérité. La personne refuse d'admettre la vérité. Exemple. Les mécréants de Quraysh. Les mécréants de Quraysh. Il y en a qui disaient « Wallahi inni la a'lamu anna ma yakuluhu Muhammadun haqqun » Certains disaient par Allah « Je sais que ce que Muhammad il dit, c'est la vérité. » Taïb, qu'est-ce qui t'empêche? Un conflit qu'il y a entre ma tribu et sa tribu. Concurrence. Une concurrence. Et donc, ils se concurrençaient dans le fait de nourrir les pauvres, de donner, de faire. Et donc, à chaque fois qu'il y a une tribu qui faisait, l'autre, elle faisait aussi. Ils se concurrençaient. Puis, « Fajat qabilatu Muhammad faqalu fina rasoul » La tribu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus, ils ont dit, « Il y a un messager parmi nous. » Dans notre tribu, il y a un messager. « Qala wallahi » Il a dit, « Non, par Allah !» Celle-là, je ne l'accepte pas. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas avoir de messager dans sa tribu. Et qu'à ce moment-là, l'autre tribu, ils auront quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. alors on refuse. C'est bon, c'est fini. C'est fini, on refuse. Même si on sait que c'est la vérité. La jalousie. La jalousie. Wa kadhalika qalu al-hasadu qad yaj'alu ash-shakhs yaqtul akhar. La jalousie peut faire que l'individu tue son frère. Tue son propre frère. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le Coran, watlu alayhim naba'a ibni adam bil haqq id qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala li aqtulannak. Il raconte leur l'histoire des deux fils de Adam. Lorsque chacun d'entre eux a présenté donc son sacrifice pour Allah. Fatukubbila min ahadihima. Alors le sacrifice fut accepté de l'un et pas de l'autre. Qala li aqtulannak. Il dit, par Allah je vais te tuer. Par Allah je vais te tuer. Et il l'a tué. Il a tué son frère. Par la jalousie. Certains savants du tafsir, ils disent que cela c'était dû à une histoire de l'épouse. Des femmes. Histoire de femmes. Parce que l'un, il avait une épouse, il devait se marier avec une épouse qui était plus belle que l'autre. Alors il a dit non, c'est moi, je la veux aussi. Je la veux. Alors, ils se sont mis d'accord, on donne chacun un sacrifice à Allah tabaraka wa ta'ala, et celui dont Allah il accepte son sacrifice, il se marie avec elle. Et le sacrifice ne fut pas accepté de lui. Il a donc tué son frère. La jalousie, où elle amène? Wa qala ba'du al-ulama al-hasad qad yaj'alu al-mar yarfudu al-haq walau kana bayidan wa yas'a fi idlal al-akharin. Certains savants, ils disent que la jalousie peut entraîner le fait que la personne refuse d'admettre la vérité, comme on l'a vu précédemment, mais en plus de ça, le fait de tout faire pour égarer les autres. Tout faire pour égarer les autres. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit: "Wadda kathirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq." Beaucoup des gens du livre espèrent, beaucoup des gens du livre aimeraient vous rendre, vous ramener à la mécréance après que vous ayez eu la foi, et tout cela par jalousie. Tout cela par jalousie après que la vérité leur fut parvenue de façon éclatante. Par jalousie. Pourquoi est-ce que le prophète est arabe? Non, on ne va pas l'accepter. On ne va pas l'accepter. Non, non, c'est nous les juifs, il faut que le prophète, il vienne de chez nous. Et donc ils ont rejeté. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demandait, est-ce que vous me trouvez dans votre livre? Il disait non. Non, wallah. Il y en a un, son fils, il était mort. Il était mort, son fils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, est-ce que tu me trouves dans ton livre? Il a dit non. Allah tabaraka wa ta'ala antaqabnahu. Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait son fils parler, son fils mort. Par Allah, c'est toi que nous trouvons dans notre livre. Par Allah, c'est toi que nous trouvons dans notre livre. Et combien d'histoires comme cela? Combien d'histoires comme cela où le prophète, il demandait aux juifs, et à chaque fois, il disait non, non. Alors qu'ils savaient pertinemment que c'est lui qui était cité dans leur livre. Et donc ils faisaient tout pour égarer les croyants. tout pour qu'il délaisse cette religion, et tout cela à cause de la jalousie. Fal hasadu khataruhu azim. Qad yuaddi ila fitanin kathira wa tafarruqin shadidin bayna al-muslimin. Bel ila saf kidima. Et donc la jalousie est très dangereuse. Elle peut entraîner beaucoup de troubles et beaucoup de divisions, de fortes divisions parmi les musulmans. Et même elle peut entraîner le fait de faire couler le sang. Il est donc impératif, yajibu alayna, an nutahhira qulubana minhu. Il est donc impératif que nous nettoyons nos cœurs, que nous purifions nos cœurs de cette maladie, la jalousie. Et on avait cité le premier cours. Comment est-ce qu'on se guérit de la jalousie? Il a dit Al-Hafidh Nawawi. Comment est-ce qu'on se guérit de la jalousie? Il avait dit Al-Hafidh Nawawi, la personne purifie son cœur de la jalousie par le fait d'admettre le destin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait d'admettre que Allah tabaraka wa ta'ala, il a accordé telle chose à son serviteur. Tout simplement. Tu reconnais juste que Allah, il a donné des choses à son serviteur qu'il ne t'a pas donné à toi. C'est Allah Azza wa Jal qui accorde ses faveurs à qui il veut parmi ses serviteurs. Il accorde ses faveurs à qui il veut parmi ses serviteurs. Il faut donc que tu admettes le destin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, toujours dans ce hadith, وَلَا تَدَابَرُوا. Et ne vous éloignez pas les uns des autres. Ne vous détournez pas les uns des autres. نُهِينَ عَنِ التَّدَابُرُ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِأَصْلٍ عَظِيمٍ مِنْ أُسُولِ هَذَا الدِّينِ أَلَا وَهُوَ الْإِجْتِمَاعِ. Le fait de se détourner mutuellement, cela nous a été interdit. Pourquoi? Parce que cela est contraire à un fondement essentiel de notre législation qui est l'union. Un fondement essentiel de notre législation, l'union. À chaque fois que vous voyez des frères qui ont un conflit, des frères qui ont une animosité entre eux, rappelez-leur cela. Ya ikhwa, ça fait partie des fondements d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Tu suis Ahl Sunnah wal Jama'a? Non. Ça fait partie de nos fondements, l'union. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas rejeter, te prendre d'orgueil ou autre? Non. Ça fait partie des caractéristiques de Ahl Sunnah wal Jama'a. Pourquoi est-ce qu'ils furent appelés Ahl Sunnah wal Jama'a? Pourquoi est-ce qu'ils furent appelés Ahl Sunnah wal Jama'a? El Jama'a, et comme il dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, لأن الجماعة هي الاجتماع. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit El Jama'a, le groupe, c'est l'union. Ils ont été appelés Ahl Sunnah, ils ont été appelés les gens de la Sunnah et du groupe par rapport à ce principe-là, le fait qu'ils font tout pour s'unir. Ils font tout pour unir les musulmans. وبعد هذه المنهيات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الواجب علينا. Et après avoir cité ces interdictions, l'interdiction de la jalousie, l'interdiction de la haine, l'interdiction de la division et du fait de se détourner les uns des autres, il a cité le prophète صلى الله عليه وسلم ce qui nous est obligatoire. فقال, alors il dit, وكونوا عباد الله إخوانا. Alors soyez des serviteurs d'Allah, des frères. هذه الأخوة التي تحثنا على الاجتماع والمحبة. Cette fraternité qui nous incite à l'union, à l'amour. Allah تبارك وتعالى qui dit dans son livre واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Accrochez-vous tous fermement au câble d'Allah, la religion d'Allah. C'est avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, le Coran, la Sunna. Wala tafarraku. Ne vous divisez pas. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit innamal mu'minuna ikhwa. Fa aslihu bayna akhawaykum. Certes, les croyants sont des frères. Les croyants sont des frères. Alors faites les causes, accomplissez les causes de réconciliation entre vos deux frères. Vos deux frères sont en conflit, accomplissez les causes de réconciliation entre vos deux frères. Wattakullah et craignez Allah. Craignez Allah. Tu vois que tes deux frères sont en conflit, il était même permis, les savants ils disent, dans ce cas-là, de mentir. De mentir. Tu vas voir le frère. Yahri, pourquoi tu ne parles pas à Abdallah? Ah, il y a un truc qui s'est passé entre nous. Ah bon? Franchement, il m'a dit qu'il t'aime beaucoup. Moi, il m'a dit qu'il t'aime beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Je pense, Wallahu alam, que vous devriez vous asseoir tous les deux. Wallahu alam. Jusqu'à ce que tu vois qu'il y a moyen de faire une assise, on essaie de se réconcilier. Et donc, les frères, ce point, ce fondement est essentiel dans la croyance de Ahl Sunna wal Jama'a. Le hadith suivant, wa haddathani an Malik, an Abi Zinad, an Al-A'raj, an Abi Hurayrata radiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Et donc il m'a rapporté selon Malik, selon Abi Zinad, selon Al-A'raj, selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Iyakum wa dhan » délaissez les mauvaises pensées. Délaissez les mauvaises pensées. Car certes, les mauvaises pensées sont les plus mensongères. Les plus mensongères. « Wala tahassasu » c'est-à-dire ne cherchez pas à entendre les conversations privées. Ne cherchez pas à entendre les conversations privées. Voilà, tajassassou, ne vous espionnez pas mutuellement. Les frères qui vont essayer de pirater le compte d'un frère et si essayer d'espionner, ne vous espionnez pas mutuellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Et ensuite il continue, sallallahu alayhi wa sallam, et ne vous concurrencez pas mutuellement, et ne soyez pas jaloux les uns des autres, et ne vous détestez pas les uns des autres, ne vous éloignez pas les uns des autres, et soyez des serviteurs d'Allah, des frères. Hadith rapporté aussi par Al-Bukhari et Muslim. Wa fi hadha al-hadith, naha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, an al-awsaf allati tunafi al-ukhuwa. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit les caractéristiques qui vont contredire la fraternité. Comme nous l'avons vu dans les hadiths précédents. Et il a rajouté d'autres caractéristiques sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces caractéristiques-là, lorsqu'il dit « Iyakum wa dhon » délaissez les mauvaises pensées. قال الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم الحافظ النووي il dit dans l'explication de صحيح مسلم قال الخطابي الخطابي il dit donc النووي rapporte la parole del Khattabi qui dit donc concernant les mauvaises pensées il dit هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يحدث في النفس il dit c'est la ce qui est voulu par les mauvaises pensées. C'est la concrétisation de cette pensée et le fait d'y croire. Mais ce n'est pas tout simplement le fait que cette pensée va te passer par l'esprit. Parce qu'il se peut qu'une pensée elle te passe par l'esprit concernant ton frère. Il se peut que ça arrive. Mais est-ce que tu vas faire en sorte de la rendre concrète, cette pensée, c'est-à-dire la garder et réellement croire en cela? Ton frère est arrivé en retard. Ah, tout de suite, tu penses qu'il a fait quelque chose de mal. Est-ce que tu vas réellement croire cela? Il se peut que la pensée, elle te vienne, oui. Mais tu dois la rejeter. Tu dois la rejeter. Il continue en disant, « Inna dhalika la yumlak » Car cela, on ne peut pas le contrôler. Les pensées qui viennent à l'esprit comme cela, tu ne peux pas les contrôler. Mais par contre, tu peux les rejeter. Une fois qu'elle est venue, « A'udhu billah » Tu peux la rejeter. Et ensuite, il dit, « Al-Hafidhu Nawawi » وَمُرَادُ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُحَرَّمْ مِنَ الظَّنِّ مَا يَسْتَمِرُّ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ Il dit, ce qu'Al-Khattab il veut par là, c'est que les pensées qui sont interdites, ce sont celles dont leurs actants, c'est-à-dire la personne qui a eu cette pensée, elle va continuer avec celle-ci, elle va continuer avec la pensée, elle ne va pas la rejeter. وَيَسْتَقِرُّ فِي قَلْبِهِ Et cette pensée va rester dans son cœur. Il n'est pas voulu par là les pensées qui vont traverser le cœur comme cela, les pensées qui viennent à l'esprit. فَإِنَّ هَذَا لَا يُكَلَّفْ كَمَ فِي الْحَدِيثِ تَجَاوَزَ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ الْأُمَّةِ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَدْ Et donc, il dit, Al-Hafidh al-Nawawi, car cela, on ne peut pas le contrôler. Les pensées qui viennent à l'esprit, on ne peut pas les contrôler. Donc, comme dans le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, certes Allah tabaraka wa ta'ala a pardonné, a donc excusé ma communauté concernant toutes les pensées qu'ils ont. Tant qu'ils ne parlent pas, wa ta'amed, et qu'ils n'appliquent pas. C'est-à-dire que le fait de croire en cette pensée, de réellement y croire. Tu as une mauvaise pensée sur ton frère, et il n'y a pas une raison valable qui fait que tu as cette mauvaise pensée. Elle est venue comme ça. Et toi, tu y crois. فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَظُنَّ بِأَخِيهِ السُّوءِ وَيَسْتَقِرَّ هَذَا فِي قَلْبِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ Et donc il n'est pas permis aux musulmans de penser du mal de son frère et que cela reste dans son cœur même s'il n'en parle pas. Tu n'en parles pas, tu te dis non mais de toute façon j'en ai parlé à personne. Je l'ai gardé en moi, j'en ai parlé à personne. On te dit la yajouz, c'est pas permis. Il faut que tu rejettes cette pensée. Ce n'est pas permis. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu la rejettes? Tu n'en as pas parlé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disent des savants? Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, « Ya ayyuhal ladhina amanu, ijtanibu kithiran min al-dhan, inna ba'da al-dhan ithm. » Oh, vous qui avez cru, délaissez beaucoup de mauvaises pensées, beaucoup de conjectures. Le fait que tu penses quelque chose de ton frère, il vient, il a fait quelque chose, et toi, tu as tout de suite le mauvais soupçon, la mauvaise opinion de lui. Ijtanibu kethiran min adhdhan. Délaissez beaucoup de conjectures. Certes, certaines conjectures sont des péchés. Qala al-'allama as-sa'di rahimahullah, nahaa Allahu ta'ala 'an kethirin min adhdhan aw min dhanni as-su' bil mu'minin fi qawlihi inna ba'd adh-dhanni ithm. وَذَلِكَ كَذَّنِّ الْخَالِي مِنَ الْحَقِيقَةِ وَالْقَرِينَةِ وَكَذَّنِّ السُّوءِ الَّذِي يَقْتَرِنُ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمُحَرَّمَةِ فَإِنَّ بَقَاءَ الظَّنِّ أو بَقَاءَ ظَنِّ السُّوءِ بِالْقَلْبِ لَا يَقْتَصِرُ صَاحِبُهُ عَلَى مُجَرَّدِ ذَلِكَ بَلْ لَا يَزَالُ بِهِ حَتَّى يَقُولَ مَا لَا يَنْبَغِي وَيَفْعَلَ مَا لَا يَنْبَغِي وَفِي ذَلِكَ أَيْضًا إِسَاءَةُ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ بِالْعَدَاوَةِ بِالْبُغْضِ وَالْعَدَاوَةِ وَالْمَأْمُورُ بِخِلَافِ ذَلِكَ مِنْهُ انْتَهَى. Et donc il dit, Cheikh Saadi rahimahullah, Allah tabaraka wa ta'ala a interdit beaucoup de conjectures, beaucoup de pensées, beaucoup de mauvaises pensées concernant les croyants. Et ce, dans sa parole, « Inna ba'da dhanni ithm » Certaines conjectures sont des péchés. Et cela, comme les penchés comme les pensées, excusez-moi, qui n'ont pas de fait, qui ne sont pas liées à des faits concrets. Des pensées qui ne sont pas liées à des faits concrets. Un frère, par exemple, qui, un jour, tu l'as vu avec une belle voiture, le lendemain, tu le vois qui est dans une difficulté, qui demande qu'on de l'aide, etc. Et toi, tout de suite, ah, ça, c'est des gens qui font du commerce, etc. Ta, ta, ta, tout de suite. On se fait un film. Moi, je l'ai vu avec une belle voiture. C'est qu'en fait, il vient, il demande de l'argent aux gens pour acheter des grosses voitures. Et donc ça, ce n'est pas permis. Le fait que tu aies une pensée qui n'est pas basée sur un fait concret. Il nous dit le shir comme les mauvaises pensées. Celles qui sont liées, ces mauvaises pensées qui sont liées à beaucoup de mauvaises paroles et d'actes. Beaucoup de paroles et d'actes interdits. Comment ça? Cette pensée, elle est liée à des paroles et des actes interdits? Il nous dit le shir, car certes, le fait que ces pensées, ces mauvaises pensées restent dans le cœur, ne va pas faire que l'individu aura juste cette pensée. Cette pensée, quand elle reste dans le cœur, elle ne s'arrête pas là. Mais au contraire, cette pensée ne va pas quitter le cœur de cet individu jusqu'à ce qu'il dise une parole qui n'est pas convenable ou qu'il accomplisse un acte qui n'est pas convenable. Et il y a en cela, là, il sert à... Donc, il y a en cela, donc, la mauvaise pensée envers son frère le musulman. Et cela va entraîner aussi le fait qu'ils vont se détester, l'animosité, alors qu'en réalité, il lui a été ordonné le contraire de cela. Le contraire de cela. Et donc, cette mauvaise pensée qui t'est venue, Yahri, elle vient, rejette-la. Ne te dis pas, ah, mais de toute façon, j'en ai parlé à personne. Cette pensée, elle ne va pas te quitter tant que tu n'auras pas parlé ou agi de façon illicite. Alors rejette-la, c'est mieux pour toi. Rejette-la. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Wala tahassassu, wala tajassassu » et donc ne cherchez pas à écouter les conversations secrètes et ne vous espionnez pas mutuellement. Nuhina an al-istima' ila qawli qawmin wa an at-taftish fi ahwalihim. Il nous a été interdit donc d'écouter les paroles des gens, d'écouter secrètement ce qu'ils disent et de fouiller concernant leur vie privée, concernant leurs erreurs cachées. ولا يدخل في هذا ما فعله علماء الجرح والتعديل من التفتيش في احوال الرواة. Et ne rentre pas dans cette interdiction. Ne rentre pas, ça c'est important ça, ne rentre pas dans cette interdiction ce que les savants du jarh wa ta'dil ont fait lorsque donc ils ont cherché concernant la situation des rapporteurs du hadith, parce que cela li anna hadhihi darura, ceci est une nécessité. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui, on dit, bon, allez, on va lire le livre El Muwatta de l'imam Malik. Ah, eh ben non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des rapporteurs dans la chaîne de transmission et on ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas qui ils sont. Mais là, alhamdoulilah, les savants du hadith, les savants du jarh wa ta'dil, ils ont fait des recherches pour savoir qui sont les rapporteurs qui sont fiables, qui sont ceux qui ne sont pas fiables, afin que nous, aujourd'hui, on puisse savoir... Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a réellement dit cette parole ou pas? Et donc, il ne faut pas confondre les deux sujets. Oui, il est interdit d'espionner, etc. Mais lorsque tu vas voir les ulémas du hadith vont critiquer un rapporteur par rapport à un défaut qu'il avait, ne va pas dire « Ah non, mais ça c'est interdit ». On distingue les deux sujets, c'est important. On distingue les deux sujets. Wala tanafasu, wala tahasadu. Et ne vous concurrencez pas et ne faites pas preuve de jalousie mutuellement. Qala ba'du al-ulama, la tanafasu hirsan 'ala ad-dunya. Certains savants, ils ont dit ne vous concurrencez pas, c'est-à-dire en faisant des efforts concernant ce bas monde. Ne vous concurrencez pas concernant ce bas monde. Wa innamat tanafus fil khayri min al-umuri al-akhirah فهذا مطلوب. Car en réalité, la concurrence, elle est dans le bien et dans les sujets liés à l'au-delà. Cela s'est demandé à la tabaraka wa ta'ala qui a fait les éloges des gens qui se concurrencent. Des gens qui se concurrencent pour aller au paradis, pour atteindre les hauts degrés du paradis. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَا فَسِلْ مُتَنَافِسُونَ. Et c'est dans cela que se concurrencent les concurrents. Il nous incite donc, tabaraka wa ta'ala, à nous concurrencer dans le bien, dans les bonnes actions. وَفِي الْحَدِيثِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ. Avant la pause, Inch'Allah, on va faire une petite pause, juste avant cela. Donc, un dernier point à voir. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَمْرِ بْنِ عَوْفِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ وَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَ عَلَيْكُمْ. Dans Sahihayn, selon Abdullah ibn Amr, selon Amr ibn Auf, que le prophète, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit par Allah, ce n'est pas la pauvreté qui me fait peur vous concernant. Ce n'est pas la pauvreté qui me fait peur vous concernant. وَلَكِنِّي أَخْشَ عَلَيْكُمْ أَن تُبَسَطَ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا أَوْ أَن تُبَسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, cependant ce qui me fait peur vous concernant, c'est que la dunya, les biens de ce bas monde, vous soient pleinement accordés. Comme ils ont été pleinement accordés au peuple précédent. Alors ceux-ci se sont concurrencés dans les biens de ce bas monde. Et cela les a menés à la perdition. Et alors vous allez vous concurrencer dans les biens de ce bas monde. Et cela va vous mener à la perdition comme ça les a menés à la perdition. Et donc on ne doit pas se concurrencer dans les biens de ce bas monde. Ne vous concurrencez pas. La concurrence, elle n'est pas dans les biens de ce bas monde. Concurrencez-vous dans le bien. Concurrencez-vous dans les sujets liés à l'au-delà. C'est là que tu dois te concurrencer. Concernant la Porsche, ou je ne sais pas, ou la villa, ou autre, ou combien d'entreprises tu as, ce n'est pas dans ce sujet que tu dois te concurrencer. Ce n'est pas ça qui va te donner des hauts degrés au paradis. Et donc, on va arrêter là pour le moment, et on reprend inshallah ta'ala dans un quart d'heure inshallah ta'ala pour la suite. Wa faqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.